إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue à lecture la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. La semaine dernière, on avait entamé l'exégèse de Surat al-Hujurat, qui est traduit par Surat les appartements. Et on avait expliqué les versets 1 à 5. On commence aujourd'hui à partir du verset 6, Surat al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah عز وجل dit selon le sens: Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, élucidez-la, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. Il dit rahimahullah en expliquant ce sixième verset qu'ici Allah Azza wa Jalla nous enjoint également à faire preuve de bon comportement. Et dans les versets précédents, Allah Azza wa Jalla nous a enjoint, les croyants, de faire preuve de bon comportement, notamment à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'adresser avec lui avec respect, de ne pas élever sa voix au-dessus de la sienne. Et l'on a vu que cela concernait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, mais aussi après sa mort. Et de ne pas l'appeler comme l'on appelle une personne quelconque, mais que lorsque l'on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'on doit s'adresser de façon respectueuse, non pas comme l'ont fait ces bédouins qui voulaient venir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une fois arrivés, et lorsqu'ils ont su qu'il était dans les maisons et dans les appartements de ses épouses sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont appelé en disant: Ya Muhammad, Ya Muhammad, ô Muhammad, ô Muhammad, c'est-à-dire sors, nous voulons te parler. Et Allah Azza wa Jal les a réprimandés dans cela. Ensuite, Allah Azza wa Jal, dans ce sixième verset, nous enjoint à faire preuve de bon comportement et à bien agir, notamment lorsque un pervers nous informe et nous apporte une information, de s'assurer de la véracité de cette information que ce pervers nous rapporte, et de ne pas prendre cette parole et cette information telle qu'elle. Car le fait de prendre cette information telle qu'elle est, constitue un grand danger et fait plonger la personne et fait commettre à la personne un grand péché. Car si l'on considère l'information que nous apporte un pervers, si l'on la considère sur le même piédestal, et si on considère cette information vérité comme vérité, comme si une personne digne de confiance nous l'apportait, eh bien, cela aurait de graves conséquences. Car derrière des informations, il y a des conséquences, notamment lorsque ces informations sont apportées à un juge qui doit prononcer une sentence ou qui doit juger en faveur ou en la défaveur d'une personne. Donc, ici notamment concernant les juges, mais de façon générale, l'information du pervers doit être vérifiée. Et concernant les jugements du pervers, concernant les témoignages, que le juge musulman n'accepte pas le témoignage du pervers. Al-fasiq la tuqbalu shahadatuhu. Il y a donc une différence entre une information apportée et un témoignage. Le témoignage du fasiq n'est pas accepté, sauf si il est prouvé par des arguments et par des preuves irréfutables. Mais d'emblée, le juge doit refuser le témoignage d'un pervers. Car il y a derrière cela des conséquences. Cela peut avoir des conséquences sur la vie d'une personne. Lorsque l'on l'accuse à tort d'assassinat, par exemple, et que la loi du talion est appliquée sur lui. Ou lorsque cela concerne des biens et que l'on prenne des biens d'une personne à tort. Et tout ceci, tous ces maux qui découlent de celui qui prend l'information du pervers telle qu'elle, eh bien, fait en sorte que la personne regrettera par la suite. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait, à savoir d'avoir accepté telle qu'elle la parole du pervers et que cela ait eu pour conséquence des conséquences néfastes. Ce qui est donc obligatoire concernant l'information du pervers, c'est de vérifier la véracité de ces informations et de rechercher des preuves qui pourraient affirmer ou infirmer ces informations. Si ces informations, si les preuves viennent affirmer, alors l'on prend en compte cette information. Si les preuves viennent infirmer, alors l'on rejette ces informations. Et dans ce verset de l'Hujurat, il y a une preuve que l'information du véridique est acceptée d'emblée. Une personne digne de confiance, lorsqu'elle t'apporte une information, tu l'acceptes comme elle t'est venue, car elle parvient d'une personne véridique et digne de confiance. Quant à l'information du menteur, elle est rejetée d'emblée, car il est connu pour mentir. Et l'information du pervers, et lorsque l'on dit pervers, ce n'est pas forcément un menteur. Tout pervers n'est pas forcément menteur. Un pervers, ça peut être une personne qui consomme de l'alcool, par exemple, ou qui commet l'adultère ou la fornication, tout en étant véridique dans ses paroles. Lorsqu'il parle, il ne ment pas, mais il boit de l'alcool. Cette personne, le pervers, lorsqu'une information nous parvient de lui, eh bien, nous devons nous abstenir jusqu'à avoir la preuve de ce qu'il dit. C'est pour cela, et si Cheikh Saadi, rahimahullah, dit, et c'est pour cela que les salafs, nos pieux prédécesseurs, acceptaient les versions de hadith de beaucoup de khawarij. Et les khawarij, vous savez qui ils sont. Il y a eu une conférence entière à ce sujet ici même samedi dernier. Ils acceptaient beaucoup de versions de khawarij qui étaient connues pour leur véracité, tout en étant pervers. Car les khawarij sont des foussaqs, sont des pervers. Il y a même une divergence des savants au sujet de l'khawarij. Sont-ils des pervers ou sont-ils des non-musulmans? ثم قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 7 et 8 de Sourate Al-Hujurat selon le sens. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي ليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم ولكن الرسول يرشدكم والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإثاره وبما ينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار والعصيان هي ما دون ذلك من الذنوب أي نعم والفسوق أي الذنوب الكبار والعصيان هي ما دون ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده وعدم قبول الفطر له وبما يجعله الله من الكراهة في القلوب له أولئك الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان والذنب ذنبهم فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله أفئدتهم وقوله فضلا من الله ونعمة أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه ولا بحولهم وقوتهم والله عليم حكيم أي عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته. Il dit, rahimahullah, en expliquant ces versets 7 et 8, c'est-à-dire sachez pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi vous, que c'est le prophète béni, le bien guidé, qui vous veut le bien et qui vous prodigue les bons conseils. Vous, lorsque vous voulez pour vous des choses mauvaises et néfastes, le prophète ne vous suit pas dans cela et montre son désaccord envers ce que vous demandez qui est en réalité néfaste pour vous. Et si il vous avait obéi dans beaucoup de choses que vous lui suggériez, eh bien cela aurait été difficile pour vous et cela aurait été une contrainte pour vous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous guide et vous oriente. Ici, certains moufassirs ont dit que c'est lorsque certains compagnons ont suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'attaquer un peuple et des personnes à qui on a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mauvaises informations les concernant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé finalement de ne pas les attaquer. Et à la kulli hal, les savants disent également que ce verset est général, qui ne concerne pas uniquement ce fait particulier, mais que de façon générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous guide et que ce que lui suggèrent les musulmans et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas à cette suggestion, que cela est pour leur bien. Comme par exemple, lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier toute la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Également, lorsque des compagnons ont voulu connaître l'adoration, les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient propres à lui dans l'enceinte de ses maisons sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont pris connaissance des adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, istaqalluha, ils ont constaté que ces adorations étaient moindres, elles n'étaient pas en grande quantité, que ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où l'un a dit, moi, je prierai toute la nuit sans dormir, et l'autre, je mangerai tous les jours sans rompre, je jeûnerai sans rompre, et l'autre de dire qu'il ne se mariera pas avec les femmes, ceci en guise d'ascétisme et d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il se privait d'un plaisir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a dit, quant à moi, je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah. Et je suis celui qui redoute le plus Allah. Quant à moi, je prie et je dors, je mange, je jeûne et je romps, et je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait suivis dans cela, eh bien cela aurait été une mashaqqa aurait été une difficulté, une contrainte pour sa communauté. Et les exemples sont nombreux. Puis Allah Azza wa Jalla a dit « وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ » Mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et ici on peut se poser la question, quelle est la relation ou quel est le lien entre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci dans le même verset où Allah Azza wa Jalla nous dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait écouté ou avait écouté la plupart de ce qui lui était suggéré, cela aurait été une contrainte pour eux. Puis Allah Azza wa Jalla dit, mais il vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité, ou l'isyan, et la désobéissance. Ici, les savants ont dit, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait aimer aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam la foi, et a fait embellir leur cœur avec la foi, afin qu'ils acceptent la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si elle va à l'encontre de leur souhait, car ils expriment des souhaits et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les suit pas. La nature humaine fait que quand tu demandes une chose et que tu ne l'as pas, tu ne l'acceptes pas. Tu as du mal à l'accepter. Or, Allah Azza wa Jal a donné la foi à ses compagnons radiallahu anhum et l'a fait embellir de telle sorte que, quelle que soit la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle soit acceptée à cœur ouvert et elle soit acceptée de façon totalement apaisée. Donc Allah Azza wa Jal vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs lorsqu'il a placé dans vos cœurs l'amour de la vérité et le fait de faire précéder la vérité devant toute autre chose. Et également le fait que Allah Azza wa Jal place dans la vérité des preuves inéluctables qui montrent que celle-ci est bel et bien la vérité. De même qu'Allah Azza wa Jal vous fait détester la mécréance et la perversité. Al-kufr ou al-fusuq, la perversité, c'est-à-dire les grands péchés. Ou al-isyan, les désobéissances, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous des grands péchés. Car Allah Azza wa Jal a placé dans vos cœurs la foi qui fait en sorte que nous détestions le mal. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah »« Oh Allah, montre-nous la vérité et permets-nous de la suivre » et « Montre-nous le mal et permets-nous de nous en abstenir et fais-nous détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. » Et Allah Azza wa Jalla a placé également dans le mal des preuves qui montrent que cette chose est mal et que la nature saine accepte et comprend de façon simple et aisée. L'adultère, rationnellement, c'est une chose qui est mauvaise, indépendamment du fait que ce soit interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait d'avoir des rapports avec une femme avec qui l'on n'est pas marié et toutes les conséquences que cela implique, comme le fait d'avoir des enfants qui ne sont pas voulus, de se retrouver dans une société où l'on ne sait pas qui est le père d'un tel et un tel, et toutes les conséquences qui en découlent, le fait également que les lignées se mélangent sans que cela ne soit voulu, la consommation de l'alcool, les effets néfastes, etc., etc. Allah Azza wa Jal place dans les choses interdites des preuves et des arguments qui prouvent que ce sont des choses mauvaises dont l'on doit s'abstenir. Ceux-là, c'est-à-dire ceux par lesquels Allah Azza wa Jal, ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait embellir leur cœur par la foi, et à qui Allah Azza wa Jal a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance, oulaika humur rashidun, ce sont eux les bien guidés, c'est-à-dire ceux dont les connaissances sont bonnes et dont les actes sont vertueux, ceux qui sont droits dans leur religion et suivent le droit chemin. Et leur opposé, ce sont les raoun, les égarés, ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait aimer la mécréance, la perversité et la désobéissance et leur a fait détester la foi. Et ceci est leur péché. Et ceci, ils sont responsables de cela. Ils sont responsables de cet éloignement. Ils l'ont mérité. car lorsqu'ils se sont pervertis, Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Lorsqu'ils se sont détournés du droit chemin, lorsqu'ils ont négligé les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils n'ont pas voulu revenir malgré les différentes menaces, malgré les différents signes qui leur sont parvenus, alors parce qu'ils ont persisté dans la perversité, eh bien Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur et ils ont plongé dans l'égarement. Fadla min Allahi wa ni'mah. C'est une grâce d'Allah et un bienfait. C'est-à-dire que ce qu'ils ont obtenu, eh bien, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et une bienfaisance d'Allah azza wa jal pour eux. Ce qu'ils ont obtenu, ils ne l'ont donc obtenu ni par leur force, ni par leur ni de leur propre chef. Wallahu alimun hakim. Et Allah est omniscient et sage. Il sait, celui qui est reconnaissant vis-à-vis des bienfaits dont il comble et lui permet ainsi d'en profiter. Et Allah Azza wa Jal connaît également celui qui est ingrat vis-à-vis des bienfaits dont il le comble et ainsi qui ne mérite pas de les obtenir par la suite. فَيَضَعُ فَضْلَهُ حَيْثُ تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ. Ainsi Allah Azza wa Jal place sa grâce là où sa sagesse le suggère. ثم قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Il dit Azza wa Jal dans les versets 9 et 10 de Sourate Al-Hujurat sont le sens. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants sont des frères, établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك فإن صلحتا فبها ونعمت وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال وقوله فإن طائفتان وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين فهذا ليس هو الصلح المأمور به فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابه أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل التي توجب العدول عن العدل إن الله يحب المقسطين أي العادلين في حكمهم بين الناس في جميع الولايات التي تولوها حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم وفي الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم من حديث ابن عمرو. الجي رحمه الله تعالى. Ce verset comporte l'interdiction aux croyants de s'en prendre les uns aux autres et de combattre et de se combattre les uns les autres. Et que lorsque deux groupes de musulmans et de croyants se combattent, alors il est du devoir pour les autres croyants d'arranger et de réparer ce mal immense en réconciliant entre eux et en s'immisçant entre les deux groupes de la meilleure des façons afin que la réconciliation puisse avoir lieu et d'emprunter la meilleure voie et la meilleure méthode qui permettent d'arriver à ce but. Si ces deux groupes se réconcilient, alors c'est une bonne chose. Par contre, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Selon le sens, et si l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un des deux groupes, se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. C'est-à-dire jusqu'à ce que ce groupe rebelle revienne aux limites qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont tracées comme accomplissement du bien et délaissement du mal. Et parmi les choses que nous a interdit Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de se combattre, que les croyants se combattent les uns les autres. Donc ce mal doit s'arrêter. Et si l'un des deux groupes persiste et ne veut que combattre, alors il doit être combattu jusqu'à ce qu'il se soumette à l'ordre d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. Puis, s'il s'y conforme, si ce deuxième groupe se conforme, alors réconciliez-les avec justice. Ceci est donc un ordre d'Allah Azza wa Jal pour un ordre pour réconcilier et d'être juste dans la réconciliation. Car la réconciliation peut avoir lieu tout en étant injuste. On peut réconcilier entre deux personnes en disant à l'une fais des concessions, arrête telle et telle chose, ou fais la concession sur telle et telle chose en ne demandant pas la même chose de l'autre côté. Si la personne accepte, la réconciliation a lieu, mais elle a lieu d'une façon inéquitable et d'une façon qui n'est pas juste. Donc ici, Cheikh Saadi dit que la réconciliation peut avoir lieu, mais sans qu'elle n'ait été établie avec justice. Au contraire, elle peut être établie avec injustice et iniquité. Et ce n'est pas cette réconciliation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire. Nous ne devons pas prendre en considération le fait que l'un ou l'autre des groupes est proche de nous, ou qu'il est proche de telle ou telle tribu, ou qu'il est de telle et telle nationalité, ou tout autre intérêt qui amène à ce que l'on s'éloigne de l'équité et de la justice. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin, et Allah aime les équitables, c'est-à-dire ceux qui sont justes dans leur jugement entre les gens, quels que soient les pouvoirs qui leur sont donnés, quels que soient les pouvoirs qui leur sont donnés et quelles que soient les responsabilités qui leur sont octroyées. Et cela entre dans cela le fait, la justice de l'homme au sein même de sa famille et le fait de donner à chacun des membres de sa famille le droit qui est le sien. Et dans le hadith authentique, rapporté notamment par l'imam Muslim, dans le hadith de Ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les équitables auprès d'Allah seront sur des chairs de lumière, ceux qui sont justes dans leur jugement, ceux qui sont justes avec leur famille et ceux qui sont justes vis-à-vis des personnes qu'ils ont sous leur responsabilité. ثم قال رحمه الله إنما المؤمنون إخوة هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المؤمن وأخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره متفق عليه من حديث أبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة فقال لعلكم ترحمون وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية ولهذا كان من أكبر الكبائر وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعون إلى أمر الله وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم Puis il dit, rahimahullah, en expliquant ce dixième verset, où Allah Azza wa Jalla dit, selon le sens, les croyants sont des frères. Ceci est donc un pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers lequel Allah Azza wa Jalla lie les croyants. Et que lorsque est présent, quel que soit l'endroit sur la terre, une personne qui a la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour dernier, que c'est un frère pour les croyants. Une fraternité qui oblige les croyants d'aimer pour cette personne ce qu'ils aiment pour eux-mêmes et de détester pour cette personne ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ordonnant les croyants de respecter les droits de la fraternité, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne vous jalousez pas, ne faites pas de surenchère entre vous. Ne vous détestez pas et que l'un d'entre vous ne vante pas derrière la vente de son frère. Soyez des serviteurs d'Allah, frères, le croyant et le frère du croyant. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne le trahit pas et ne le dénigre pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiallahu anhu. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant est pour le croyant comme un édifice qui se soutient mutuellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit ce hadith, a entrelacé ses doigts. Il a entrelacé ses doigts, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ne vous jalousez pas et ne faites pas de surenchère entre vous. Qu'est-ce que la surenchère ? Non, هذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا لا تناجشوا. التناجش. La surenchère, c'est quoi ? Ne surenchérez pas. Mauvaise concurrence, c'est proche, mais c'est pas ça. Quand il y a une vente et que l'on dit que l'objet à vendre sera vendu à celui qui donnera le plus grand prix, le prix le plus élevé. Et parfois, dans ce genre d'enchères, des personnes font artificiellement monter les prix. Ils proposent des prix, non pas pour acheter, mais pour que le prix final soit le plus élevé possible. Ceci est interdit en islam. Tu as le droit de proposer un prix si tu as l'intention effectivement d'acheter. Et lorsque... D'où la vente aux enchères, naam, qu'on entend. Naam. Donc si la personne veut acheter, alors elle a le droit de proposer le prix qu'elle est capable de donner. Et lorsque sa limite financière est atteinte, alors il s'abstient. Et il laisse plus riche que lui proposer son prix. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. Et que l'un d'entre vous ne vende pas sur la vente de son frère. Lorsque une personne veut vendre, d'accord, veut vendre un objet, tu viens et tu vends sur sa vente. Tu vas aller voir l'acheteur et tu lui dis: combien t'as proposé l'autre pour cette voiture? 500 euros. Je te propose une meilleure voiture pour 400 euros. Ici, tu as vendu sur la vente de ton frère. Tu as vendu sur la vente de ton frère. Le croyant est le frère du croyant. Il n'est pas injuste envers lui. Cela est connu. Wala yakhdhuluhu. Et qu'il ne le trahisse pas. Ici, Al-Khidlan, c'est le fait de délaisser l'aide de son frère, de ne pas l'aider au moment où il a besoin de toi, ou de ne pas le secourir au moment où il a besoin de ton aide. C'est ton frère et au moment où il a besoin de ton soutien, eh bien, tu n'es pas là. Cela est considéré comme une forme de trahison et une forme de délaissement. Wala yahqiru. Ici, c'est le dénigrement, et l'interdiction du dénigrement va être citée plus loin dans Sourate Al-Hujurat. Et Allah, donc le Cheikh Sa'di, rahimahullah, continue en disant qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné de donner aux croyants leurs droits et de d'œuvrer et de faire en sorte que la cohérence, que l'entraide, que la douceur et la gentillesse, que les relations persistent entre les croyants. Et parmi ces moyens qui permettent de maintenir cette unité des croyants et de préserver cet amour qu'il y a entre eux, lorsqu'ils se combattent. Un combat qui a pour conséquence directe la division des cœurs et la division des rangs. Et le fait que les croyants qui se combattent les uns les autres, eh bien, se détestent les uns les autres, se tournent le dos les uns les autres. Il est donc du devoir pour les croyants qui ne sont pas dans ce conflit de faire en sorte que les choses s'arrangent et que la réconciliation puisse avoir lieu. Puis Allah Azzawajal ordonne, dans la fin de ce verset, de faire preuve de piété de façon générale. Et Allah Azzawajal nous informe que découle de cela, découle du fait de mettre en application les devoirs des croyants les uns envers les autres, et le fait de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Azzawajal, que découle de cela la miséricorde. Allah Azzawajal dit « afin qu'on vous fasse miséricorde ». إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Réconciliez entre vos frères. واتقوا الله. Craignez Allah. Afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc, découle de la réconciliation et de la piété la miséricorde. Et celui qui obtient la miséricorde a alors obtenu le bien de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et cela prouve que le fait de ne pas donner aux croyants les droits qui sont les leurs, que ceci est une des causes les plus grandes pour mettre un obstacle entre soi et la miséricorde d'Allah Azzawajal. Si de réconcilier entre les croyants et d'être pieux vis-à-vis d'Allah Azzawajal te permet de bénéficier de la miséricorde, le fait de ne pas réconcilier entre les croyants, le fait de ne pas donner de façon générale aux croyants les droits qui sont les leurs, eh bien cela est une cause que tu n'auras pas faite pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces deux versets, les versets 9 et 10 de Sourate Al-Hujurat, il y a d'autres leçons à retenir. Tout d'abord que le combat entre les croyants est contraire à la fraternité. Que le combat entre les croyants est contraire à la fraternité, d'où le fait que cela fait partie des grands péchés. On retient également que la foi et la fraternité ne disparaissent pas, même lorsque ils se combattent les uns les autres. Car Allah Azza wa Jalla dit « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » Et si deux groupes parmi les croyants se combattent. Ici Allah Azza wa Jalla les a appelés croyants. Donc le fait que deux groupes de croyants se combattent les uns les autres, cela n'efface pas la foi et la fraternité qu'il y a entre eux. Car il y a une différence entre le combat contredit la fraternité et le combat efface la fraternité. Le combat contredit la fraternité. Deux frères ne peuvent pas se combattre. Mais lorsque ce combat a lieu, il n'efface pas et n'élimine pas la fraternité et la foi. Comme cela est le cas pour l'ensemble des grands péchés hormis le polythéisme. Et c'est la croyance des gens de la sunna. Et également, dans ce verset, on retient l'obligation de réconcilier entre les croyants avec justice et l'obligation de combattre les rebelles jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que s'ils reviennent vers autre que ce qu'Allah azawajal a ordonné, ou comme lorsqu'ils reviennent en acceptant des choses qui ne peuvent être acceptées, alors la réconciliation ne peut pas avoir lieu en l'état. Et l'on retient également que lorsque deux groupes de croyants s'entretuent, et lorsque l'un des groupes se rebelle, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de combattre le groupe rebelle. Ceci, Allah Azza wa Jalla nous autorise de les combattre, mais il ne nous autorise pas de prendre leurs biens. De prendre leurs biens. Ce n'est pas comme lorsque l'on combat et que lorsque tu as eu dessus sur ton adversaire et sur ton ennemi, eh bien, ces biens viennent du butin de guerre qui a des règles bien précises en islam, bien sûr. Car Allah Azza wa Jal a autorisé leur sang au moment où ils persistent dans la rébellion. Mais Allah Azza wa Jal ne nous autorise pas de prendre possession de leur bien. Car ce sont des croyants. Malgré qu'ils se rebellent, ils restent des croyants. Et donc, leurs biens ne sont pas licites. ثم قال تعالى نعم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل دي selon le sens dans le verset 11 de Sourate Al-Hujurat. « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas, c'est-à-dire ne se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets, quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. » قال الشيخ سعدي رحمه الله وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض أن لا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم فإن ذلك حرام لا يجوز وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر كما هو الغالب والواقع فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق متحل بكل خلق ذميم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم من حديث أبي هريرة ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم على بعض واللمز بالقول والهمز بالفعل وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة وسمى الأخ المؤمن نفسا لأخيه لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه فيكون هو المتسبب لذلك ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه وهذا هو التنابز وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم قسم ثالث غيرهما. Il dit rahimahullah en expliquant ce 11e verset. Et ceci fait partie également des droits des croyants les uns envers les autres. Qu'un groupe ne se raille pas, ne se moque pas d'un autre groupe. Par toute parole ou tout acte qui signifie ou qui a pour signification ou qui a pour but de dénigrer son frère musulman. Ceci est haram. Et n'est pas permis. Et cela prouve, cela prouve l'infatué du moqueur. C'est-à-dire, cela prouve que ce moqueur a une trop bonne opinion de lui-même. Que ce moqueur a une trop bonne opinion de lui-même, alors qu'il se peut que celui qu'il dénigre est meilleur que lui. Comme cela est le cas de façon concrète. Car la moquerie n'émane que d'un cœur qui est plein de mauvais comportements, qui est caractérisé par de mauvais mœurs. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit pour une personne comme mal de dénigrer son frère musulman. Il suffit pour une personne de commettre un mal en dénigrant son frère musulman. Puis Allah azza wa jalla dit, wa la talmizu anfusakum, ne vous dénigrez pas vous-même. C'est-à-dire, ne vous critiquez pas les uns les autres. Al-lamz se fait avec la parole et al-hamz se fait avec les actes. Et les deux sont interdits en islam et celui qui les commet, la menace de l'enfer pèse sur lui. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Humazah, « وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ » Malheur à tout calomniateur et diffamateur. Al-lamz, c'est le fait de dénigrer par la parole. Et al-hamz, c'est le fait de dénigrer par l'acte. Et Allah Azza wa Jalla dit, « Wala talmizu anfusakum » Ne vous dénigrez pas vous-même. Ici, il y a deux sens. On peut comprendre ce verset de deux sens. Ne vous dénigrez pas vous-même. C'est-à-dire que tu es comme ton frère. Et si tu dénigres ton frère, cela revient à ce que tu te dénigres toi-même. Car les croyants sont unis. Et lorsque tu dénigre un croyant et un musulman, eh bien, cela revient à ce que tu te dénigres toi-même. Ceci est une des explications de ce verset. L'autre explication est que ne vous dénigrez pas les uns les autres. Car, lorsque tu vas dénigrer ton frère, lui aussi, il va te dénigrer. Et le fait qu'il t'ait dénigré, c'est parce que tu l'as dénigré. Donc, tu as été la cause du fait qu'on te dénigre. Donc, tu t'es dénigré toi-même. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Et ne vous lancez pas des sobriquets, des injures mutuellement. C'est-à-dire de ne pas se critiquer et de ne pas critiquer son frère en lui donnant des mauvais surnoms, en lui donnant des surnoms péjoratif, que tu n'aimerais pas qu'on te donne. Et c'est cela, at-tanabuz. C'est cela, Atanaabuz, le fait de donner des surnoms péjoratifs à ton frère, qui ont un mauvais sens. C'est ça, Atanaabuz. Quant aux surnoms qui ont un bon sens, cela ne rentre pas dans cette interdiction. Bi'salismul fusuq ba'da al-iman. Quel vilain mot que la perversion lorsqu'on a la foi. C'est-à-dire, quelle mauvaise chose par laquelle vous avez remplacé la foi. La foi qui amène le croyant à appliquer la législation d'Allah et à délaisser ses interdits. C'est la foi. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit que c'est une mauvaise chose de remplacer la foi par la perversité. Et ici, la perversité, c'est Atanaabuz bil alqab, le fait de donner des mauvais surnoms à son frère. Car en donnant des mauvais surnoms à ton frère, tu as dit des paroles de perversité. Or, il n'est pas bon et il n'est pas correct, toi qui es croyant, d'entacher ta croyance par de la perversité. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, ce sont ceux-là les injustes. Ceci est ce qui est obligatoire pour le serviteur, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander le pardon vis-à-vis des manquements qu'il a eus à l'égard de son frère musulman et de faire des éloges de ton frère après qu'injustement tu l'aies critiqué. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes, car les gens sont de deux sortes. Il y a celui qui est injuste envers lui-même sans se repentir, et il y a celui qui se repent et ainsi gagne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et il n'y a pas de troisième catégorie. Soit tu fais partie de ceux qui sont injustes envers eux-mêmes et qui ne se repentent pas, ou soit tu fais partie de ceux qui se repentent et ainsi gagneront dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. On est affi bihad al-qadr, subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, et on continue avec les histoires des prophètes.